C'est la dernière chronique des Faucons Barrettes de Chibougamau avec l'instructeur-chef Serge Bouchard. L'instructeur des Faucons Barrettes de Chibougamau ont perdu 13 à 12 dans un match avoir disputé la semaine dernière pour la finale. Salut Serge! Serge, c'était un match vraiment, ce qu'on pourrait dire, vraiment chaudement disputé entre les deux formations. Oui, c'est sûr que dans la saison, on avait connu la défaite à deux reprises contre eux, donc on s'était préparé différemment pour la finale. Cette préparation-là a permis d'avoir vraiment là, un bon match. Un match très serré. Les conditions climatiques étaient un petit peu difficiles. Il y avait neigé la journée d'avant. Il y avait encore un peu de neige sur le terrain. Le terrain était très glissant. Donc, le ballon aussi. Donc, on s'attendait à ce que ce soit un peu un duel un peu plus défensif. Ça a été le cas. Il y a moins de points qui se sont marqués qu'à l'habitude là, dans du football à 8 joueurs. Okay. Donc, oui, effectivement, ça a été un très bon match là, du début jusqu'à la fin. OK. Quand les conditions climatiques se détériorent, comment qu'on joue ça? Est-ce qu'on est vraiment... on joue plus au sol, quoi qu'à votre calibre, c'est beaucoup plus le sol, là. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Ben, ça dépend tout le temps des éléments qu'on a en notre possession. Pour Charles Gravel, eux autres, ils avaient un excellent carrière. Ils ont continué quand même à jouer par la passe. Quand les conditions sont moins faciles, ben, tout on appelle ça le timing, là, les tracés de passe. Précis, le corps arrière, ses pieds sont moins bien plantés au sol. Donc, ça donne un avantage à la défensive. De notre côté, nous, par la passe, on n'est pas une grande menace. Donc, nous, notre plan de match était de pouvoir bouger le ballon au sol. C'est ce qu'on a réussi à faire un petit peu. Mais à tous les fois où on réussissait à avancer avec la balle, on a échappé, par exemple, dans les deux... Nos deux dernières possessions des six dernières minutes, on a échappé deux fois le ballon qui a permis à Charles Gravel de recouvrir le ballon et de marquer des touchés sur ces deux possessions-là. Donc, c'est sûr que là-dessus, ça ne nous a vraiment pas aidé, mais effectivement, je pense que les équipes, ils vont quand même avec leur force, c'est-à-dire que peu importe la température, si ils ont des bons porteurs de ballon, ils vont travailler plus sur le sol. S'ils ont un excellent carrière, des bons receveurs de force, ils vont être forts. OK. Bon, content de l'année? Oui, content. Je veux dire, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir un calendrier un peu plus balancé, ouais. C'est-à-dire d'avoir trois équipes pour pouvoir avoir un match à toutes les fins de semaine. C'est toujours difficile, là, la motivation pour les jeunes quand ils savent qu'ils ne jouent pas la fin de semaine et qu'ils s'en viennent. Donc, mais à part ça, là, je pense que nos jeunes ont quand même progressé. Jonquière, ils ont tenté de faire une équipe là, avec trois écoles, ça permet à des jeunes de jouer au football. Nous, ça nous a permis d'avoir des matchs supplémentaires. Je pense que c'est pas la saison idéale, mais c'est mieux que l'an passé où il n'y avait pas eu de saison du tout pour les jeunes. Ça leur a permis de continuer à jouer au football. OK. Est-ce que trois écoles, donc ils ont le bassin pour jouer, là, pour faire des ligues, pour faire des ligues, mais faire plus d'équipes, est-ce que tu penses que ça va faire des petits? Pour Jonquière, ça va être très long. Ça va être très long. C'est une cuve plantée. Je sais que au niveau Benjamin, secondaire 1-2, il y avait aussi trois écoles pour faire une équipe. Il y avait peine à avoir 20 joueurs. Ils ont commencé la saison avec une vingtaine de joueurs. Puis dans le dernier jamboree qu'on a fait, il était 14. Donc, ça va être très difficile au niveau de Jonquière. Là. Ça fonctionne là, maintenant dans une équipe scolaire. Là. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'impliqué dans l'école même, un enseignant, un personnel de l'école qui travaille très fort pour pouvoir amener les jeunes vers ce sport-là. Dès que tu n'as plus de personne dans l'école pour faire la publicité, pour aller rejoindre les jeunes, il devient très difficile là, maintenant aux scolaires d'avoir des équipes. Oui, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec une équipe de football lorsque la saison finit? Parce que je parlais avec le collégial, évidemment, le collégial, c'est pas pareil, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient des camps d'entraînement? Est-ce qu'on tient quand même des activités pour garder le focus sur l'entre-saison qu'on appelle? Nous, présentement, là, on va leur laisser, je dirais, congé jusqu'au mois de janvier, mi-janvier. Ils ont quand même à l'école là, des cours d'éducation physique. Il y a des salles entre les écoles maintenant. Donc, de ce côté-là, ils vont. Les jeunes continuent à être actifs quand même. Puis la plupart des jeunes font d'autres sports, là, le hockey scolaire qui commence lundi aussi. Donc, on les laisse un peu tranquilles de ce côté-là. Puis quand on revient début février, on recommence en gymnase les petits ateliers techniques. On commence tranquillement. Puis parce qu'on ne sait pas encore sous quelle forme ça va avoir le football au printemps prochain, à l'automne prochain. Puisque dans la région, on a de la difficulté là, à avoir une vision à moyen terme et à long terme. On ne sait jamais quelle catégorie va avoir, combien d'équipes. Donc, on attend un petit peu plus loin dans l'année pour pouvoir redémarrer les choses là, plus précisément. OK. Ben Serge, il me reste qu'à te remercier encore une fois cette année pour ta collaboration. Ça fut encore une fois fort agréable. Et on va s'en reparler sûrement. C'est sûr qu'il n'y a pas de civil au printemps, mais l'automne prochain, il devrait avoir une équipe à Chibougamau encore une fois, puis je vais être là pour te couvrir. Merci beaucoup, Danny. Voilà, l'instructeur-chef des Faucons des Portes du Nord de Chibougamau, Serge Bouchard.